Attends, je sais pas comment il faut la chanter. Là, tu me fais faire des choses, là, Jean-Jacques Goldman, mais punaise. T'es déjà, t'as vu, je chante faux. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Et si le faux emploierait les moyens légaux, moi. Avec eux. Allez, c'est une fatalité, moi. Une fatalité qui coule à mon cœur. Envole-moi, envole-moi. Remplis ma tête et tes horizons de moi. Un peu sur le refrain. Hiver et glace, été et feu. Et s'il n'y a jamais de saison pour être mieux, j'ai pas choisi de vivre ici. Entre la soumission, la peur ou l'abandon, je ressortirai, je te le jure. À coups de livre, je franchirai tous ces murs. J'ai pas choisi de vivre. Attends, entre la soumission, la peur ou l'abandon, je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livre. Ah, ça c'est le refrain, je me suis gouré. Envole-moi, envole-moi, envole-moi loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Bon, dur quand t'as jamais écouté. À te proposer sinon Zig, regarde, tu l'as sur, je sais pas, t'es sur quoi, t'es sur Logic Pro, envoie-la-moi en MP3, puis tu vois, je te fais la voix par-dessus, là, puis après je te la renvoie, tu as mon email, je suppose, en fait, c'est un peu difficile, parce qu'en fait, comme on a qu'une boucle, tu sais, quand tu tournes en loop, ça fait au moment où tu passes... plutôt au moment où je chante le refrain, toi t'es toujours au cou... toi t'es il y a un couplet à l'avance. L'hiver est glace, l'été est feu. Ici y a jamais de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici. Entre la soumission, la peur ou l'abandon, je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livre, je franchirai tous ces murs. Ah oui, après tu vois, il y a un changement aussi. Tous ces murs, envole-moi. Je t'écris là, hein. Ça tu as mon email, hein. Je crois que t'as déjà mon email, hein. Tu veux dire, tu me guides avec un lead guitare, c'est ça? Je t'écris là, t'as mon nom. Moi je m'appelle Joanna. Ok? J'écris là. c'est so cool. Si tu vas à joanyahoo.fr, c'est bon. Hein. Ok, Zig, voilà, je te l'ai envoyé. Voilà, c'est parti. Pas toi, mais sur quatre. Enfin, si ça te dit, hein, tu me dis, hein, premièrement, si ça te dit de faire pas toi de Jean-Jacques Goldman. Ça, celui-là, on l'a fait tourner en quatre accords, quoi. Normalement, ça devrait fonctionner, hein.